Chapitre 74e, point d'interrogation. Le lendemain, dans le cabinet de M. Urbain, juge d'instruction, M. Laronce, préfet de police, M. Ramard, chef de la sûreté, se trouvaient réunis. Paulin Broquet, Gabriel, Lamorce, Herman, Mapip enfin rétabli, introduisirent Zigomard. Zigomard était dégagé du filet de laiton, il n'avait plus que les poignets d'enchaîner. Il entra, hautain, superbe, dédaigneux, souriant. Aux questions que lui posa M. Urbain, il répondit du bout des lèvres « Je ne parlerai, messieurs, que quand mon défenseur sera près de moi. Avez-vous fait le choix d'un avocat ?»« Oui, maître Raoul Montreuil. » Les magistrats qui savaient quel lien unissait le bandit au célèbre avocat tressaillirent. « En attendant que votre défenseur paraisse, dit M. Urbain, nous pouvons procéder à une confrontation. » On fit entrer le colonel de Fongrive, le capitaine Malter. Il faut vous dire, ajouta le juge d'instruction, que la Gretchen, bonne chez le capitaine, est arrêtée et qu'il a révélé tout ce qui la concernait, et qui corrobore ce que nous a déjà déclaré l'homme arrêté par Paulin Broquet devant le marchand d'œufs. Zigomard eut dans les yeux un éclair de rage, mais il sourit aussitôt. Papotage de cuisinière, dit-il. Voici alors, pour compensation, déclaration de grande dame, dit le juge d'instruction. Il fit un signe. Des gardes républicains introduisirent la belle comtesse Pepa d'Ortega et la comtesse Varsovia en tenue de voyage. « Paulin Broquet les a prises au moment où elles montaient dans le train, » dit M. Urbain. La comtesse, à la vue du marquis Don Isigo Martolo, eut un accès de douleur. Elle poussa de grands cris. « Mon frère ! Mon frère !» Elle courut à lui, l'entoura de ses bras, l'embrassa. Puis elle se redressa tout à coup et se mit à rire. « Allons, messieurs, dit-elle, vous ne l'aurez pas vivant. » « Zigomard vous échappe quand même. » Et elle jeta sur la table du juge d'instruction un petit flacon de cristal dont elle venait de faire absorber le contenu au prisonnier. Zigomard se dressa, se raidit, poussa un cri et tomba sur le parquet. « Zalabi !» cria la comtesse Pepa d'Ortega. « Zalamor !» répondit un des gardes. Le garde avait sorti son revolver d'ordonnance, il visa Paulin Broquet, fit feu. Mais ce fut lui qui s'écroula. Ce fut le garde républicain qui tomba, poussa un cri d'effroyable douleur. Le colonel de Fongrive, qui avait vu le mouvement, lui planta son épée dans la gorge au moment où il visait le détective. Paulin Broquet, très calme, sans qu'un muscle de sa face trahît la plus petite émotion, dit au colonel « Merci. Savez-vous qui vous venez de tuer ? L'homme aux yeux verts, celui dont le masque mobile jouait en public le marquis Don Isigo Martolo, quand Zigomard se livrait à ses opérations. » Un médecin appelé constata la mort de Zigomard. Les yeux, ses yeux aux lueurs d'yeux de fauve, étaient glauques, éteints sous l'effet du poison, son cœur avait cessé de battre. « Ça ne me suffit pas, docteur, » dit Paulin Broquet. « J'ai déjà tant de fois tué Zigomard que je voudrais que cette fois ce soit pour toujours. »« Je ne peux pas lui couper le cou, » dit le médecin. « C'est regrettable. Mais si vous le voulez bien, quand on le portera à la morgue, faites-lui une injection de formol et d'une composition que je vous remettrai. » Nous serons bien sûrs que le mort est bien mort, et nous pourrons conserver son cadavre longtemps, car il sera momifié. » Le médecin promit de faire ce que demandait Paulin Broquet. Le détective lui fit parvenir le flacon pour l'injection momifiante. Dans la soirée, avec Gabriel et Lamorce, Paulin Broquet se rendit à la morgue. Le médecin légiste qui avait constaté la mort trouva que ce surcroît de précaution était inutile. Il fit, mais mal, à moitié l'injection momifiante. Quand Paulin Broquet entra dans la salle de la morgue, où Zigomard avait été transporté, sur la table de marbre blanc, se trouvait un grand Z rouge tracé avec du sang, mais plus de Zigomard. Une des croisées donnant sur la scène était ouverte. « Allons, » fit Paulin Broquet très calme, se grattant le menton en souriant. « La rivière était trop près. Naturellement, il est allé avec sa peau d'anguille. » Ainsi s'achève la deuxième partie de « Peau d'anguille », Livre 8e de Zigomard par Léon Sazy.